écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. C'est mercredi aujourd'hui, hein? Oui. Donc, ça tombait bien aussi. C'est ça comment ça? C'est ça quoi? La tomate ou bien... Non, ça va. Après. Je vais me servir. Donc, Je racontez-moi alors qui commence. Ah, c'est toi qui commence. Oui. Comment ça va la santé spirituelle? Oh, ça va, ça va. Déjà, nous sommes contents de vous voir. Non, en face à face. Face à face. Ah. Ok, je suis vraiment court, comme je disais, non? Pas mal. J'avais su, hein? Tu vois le témoignage de Colombo Bangala. Mm-hmm. Oui. Quand le gars, sa mère l'a amené ce frère junior, il s'est indiqué. Donc c'est le courage. Où est la telle à quoi avoir là-dedans, je ne sais pas. C'est ça. Moi, je suis pas grave. On est pareil. C'est que l'homme se fie à ce qui frappe les yeux. Mon frère, je vais te dire quoi. Je suis issu d'une famille polygamique. Mmh. Et ma mère était la première. Il faut lui parler de temps en temps. Elle aime quand on parle. Quand elle est comme ça, elle va pleurer. Parle-lui. Emmanuel, là, voilà, tu applaudis. Arrête, c'est deux mains, tu applaudis. Non, c'est même, tu applaudis. Je vais voir. Elle va rire. Elle aime ça. Sois le bienvenu, si t'es enfant que Dieu a béni. La France dans la sainteté, bonsoir. Oh, bonsoir. Donc, mm-hmm. Alors ma mère, elle était la première femme. Non, laisse les problèmes de famille, la laisse. D'accord, tu parles de moi. Okay. Non, laisse même ça. Parlez-nous comment vous êtes à l'aise. Mais ça, attends, ça c'est dur ici. Où est-ce vraiment qu'il voit dans la cour de la femme là comme ça? Le truc blanc là, c'est quoi ça? Au milieu des deux pôles. C'est une statue. Pa. Okay. Une femme, comme une sirène. C'est une femme avec les longs cheveux. Mon frère, ça ne va pas. C'est vrai. Attends, la seule grâce, elle va dire. La seule grâce, elle va dire. Quand on va aller à matinée, on va faire un mois ici. On aura le temps de parler long. Je voulais seulement voir votre. Faites la seule Hélène. Elle est allée aux États-Unis manger avec. Avec la sœur qui a gros ventre. Ah, j'ai dit que c'est la sœur Vanessa. Et Vanessa n'a pas encore accouché. Elle est bien avec sa grossesse. Elle est belle comme ça. Là. Elle est. Elle nous a pas une femme enceinte. En fait, c'est. C'est toi qui m'as parlé de. Tu as suivi un enseignement. Par hasard, tu es tombé sur, par hasard sur l'un de ces enseignements. C'était quoi? La dîme? Tu l'as dit? Non, en fait, moi je suis tombée sur un enseignement qui m'a amenée à suivre d'autres. Après, je t'ai dit que j'ai rencontré maintenant un vrai homme de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas par rapport à un spécifique, quoi. Moi, je parlais de Bamba Yeba. Et puis, j'ai commencé à suivre. Et j'ai trouvé les enseignements vraiment intéressants, édifiants et tout. Du coup, après, je lui ai demandé le numéro de mon frère Julien. Je m'a donné son. Je crois que je lui ai envoyé un message. Voilà. Il m'a répondu. Donc, quand on est venu sur l'année dernière, vous n'étiez pas encore. On n'a pas encore suivi. Je t'ai écouté seulement. Mm-hmm. C'est elle. Et qui te dérange? Au te pays, c'est pas facile. Vraiment. C'est vrai que le voyage, c'est pas pour la prière qu'on est là, non? C'est pour la prière, disons. Non, c'est pour la prière. Je suis fatiguée de la souffrance. Hein. Pour tout. Amen, non. C'est pour la prière. Vous avez dit quelque chose, non? J'ai oublié, répète. C'est ça, même. Donc, tu imagines qu'il va garder les choses des gens de tout le monde. Donc, quelqu'un doit garder sa part. Oui, quand tu entends, tu écris. Frère, je vais te poser une question un peu. Par rapport. Si quelqu'un n'a pas les papiers, oui. Est-ce que c'est un péché de travailler avec les papiers de quelqu'un d'autre? Bon, il te répond la même question. Tu vois que c'est juste, juste. Si tu vois la police ou bien n'importe quoi, tu peux montrer les papiers que c'est pour toi. Non, frère. Mmh. Tu montres et puis. La police ne demande pas que c'est pour toi, c'est pas pour toi. Non, c'est question de demande. Tu dis quoi? C'est pas pour toi. Que c'est pas pour toi? Je sais pas. Non, non, réponds un peu. Soyons clairs. Soyons clairs. Mmh. Voilà. Ou bien c'est un âge de. Ces papiers-là portent le nom de quelqu'un. Un âge de rencontre l'autre. On t'appelle Chantal. Tu dis oui. Et si c'était Amélie qui suit le document? Quand on arrive dans le lieu, c'est bon, dit Amélie, tu dis quoi? Elle dit qu'il ne va pas demander. Ouvre Mathieu. Que si la police ne demande pas. Ouvre Mathieu. La France dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, bonsoir ici à Tremblay. Donc, on va faire ça en direct. Ça, c'est l'avion qui passe là. On est à côté de l'aéroport. On va répondre à la question. Les faux papiers, doit-on l'utiliser? D'accord. On répond aux questions. Oui. Le faux papier, doit-on l'utiliser? Est-ce que c'est normal? D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on prie d'abord, d'accord? C'est vous qui priez. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ces moments merveilleux ici en France. Merci pour nos soeurs bien-aimées qui sont venues et pour celles qui encore sont en route. Seigneur, je prie au Dieu que tu nous gardes, que tu les gardes, que tu nous bénisses, que tu les bénisses. Que tu nous accordes, Seigneur de gloire, ce dont nos cœurs désirent pour ta gloire. Et je prie au Dieu de gloire que tu rencontres chacune des personnes ici et celles qui viendront, Père de gloire, dans la mesure de la foi que tu as manifestée à l'heure. Je prie au Père que tu nous combles de toutes tes grâces et toutes tes bontés. Purifie nos cœurs et donne-nous de vivre, au Dieu de gloire, sans tache ni ride devant de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Amen. Donc nous allons répondre à la question. Comme dans votre pays ici, il y a. C'est curieux. On va sans sentiment. Tu ne vois pas. On part sans sentiment. Et donc là maintenant, on doit examiner les saintes écritures. Les saintes écritures. Oui. Vous avez des choses pour noter? Oui. Manifestement, quand vous posez la question, on voit effectivement que beaucoup de personnes travaillent en Europe avec le papier des autres personnes. Vous voulez quoi? Un stylo ou bien? On peut commencer. Vous notez thème, faux papier pour travailler. Nous sommes le 17, mercredi 17 octobre. On va aller doucement. Voilà. Le thème, c'est faux papier pour travailler. On pose la problématique déjà. Beaucoup de personnes se trouvent en situation irrégulière dans votre continent. La sécurité et le système est fait verrouille de telle enseigne que pour travailler, il faut que tu qu'il y ait la sécurité sociale, ainsi de suite, les numéros sociaux dans, aux États-Unis, comme le cas des États-Unis, ainsi de suite. Il faut que vous soyez normalisé dans le cadre de la société. Contrairement à l'Afrique où chacun peut faire son petit métier, travailler comme il veut, n'importe où. La question c'est, est-ce que c'est normal pour quelqu'un, enfin pour un chrétien, de travailler avec le papier qui porte le nom d'une autre personne? Nous allons répondre à la lumière des Saintes Écritures. Notez Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, Emmanuel Amérique. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 3. Commençons par Matthieu chapitre 3. Vous avez noté? Notez, je vais donner au moins 4 ou 5 passages et on va commencer quelque part. Notez aussi le psaume 119, verset 4. Matthieu chapitre 5. Notez le psaume 15. Nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu, puis lire l'autre dans le livre des psaumes, chapitre 15. On va y aller. On y va. Qui va lire donc? Matthieu chapitre 3. Tu veux lire? C'est bien ça. Tu vas lire à haute voix vraiment. Verset 11 à 16. La scène n'est pas encore ouverte. Un copain de Matthieu. Allons-y. Matthieu chapitre 3, versets 11 à 16. Ça c'est trembler, non? Trembler en France. Et quand on dit trembler en France maintenant. Trembler en France au nom du quartier. Ou bien du département. De la ville. De la ville. Trembler en France, près des Charles de Gaulle. Je crois qu'on vous cherche. Ah d'accord. Ok. Merci. Non, laisse. Oui. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Oui. Mais celui qui vient après moi, c'est tout simplement. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Baptême de Jésus-Christ. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Stop. C'est la parole qui va meubler notre explication. Lorsque Jean-Baptiste s'oppose au Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste voit le Seigneur Jésus-Christ. Normalement, Jean-Baptiste a été envoyé. Jean a été envoyé pour baptiser. Et ici, il voit quelqu'un qui est supérieur à lui qui vient. Il dit non, il ne peut pas te baptiser. Jésus dit que non. Et Jean lui dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. C'est comme ça. Et toi, tu viens à moi. C'est pas. Et toi, tu viens à moi. C'est une surprise. Jésus dit que laisse. Il est convenable. Laisse donc faire maintenant. Car il est convenable que nous faisons tout ce qui est quoi? Tout ce qui est juste. Allons-y encore. Il est convenable de faire tout ce qui est juste. Encore. On va encore dire encore. Il est convenable de faire tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Chaque acte de notre vie, en tant que chrétien, cette parole ne doit pas nous quitter. Chaque acte, quand nous voulons faire, nous devons nous poser des questions. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui est juste? Et c'est à cette réponse-là, la réponse à la question qui va nous montrer si oui ou non nous sommes convenables. Alors, vous prenez le papier de quelqu'un. Est-ce que c'est juste? La question est simple. Est-ce que c'est juste? Vous voyez, la question doit être répondue. Est-ce que c'est juste? Si tu dis non, je ne comprends pas, juste ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui ne peut pas te culpabiliser sur quoi que ce soit. S'il y a la culpabilité sur quelque plan que ce soit, alors forcément ce n'est pas juste. Ça ne tient pas de faire ce qui est juste. C'est un peu comme par exemple une jeune fille qui tombe enceinte. Ça va? Venez vous asseoir. Bonne arrivée. Merci à vous aussi. C'est toi, ça. Merci. Je suis le frère Julien. Oui. Salvez-vous les uns. N'est pas vous enregistrer. Ça fait quoi? C'est pas grave. Bonjour. Venez vous asseoir. Venez. Assez-toi, mon bébé. Bonne arrivée. Merci. J'en veux aussi, mais s'il te plaît. On venait juste de commencer comme ça. Il n'y a pas de problème. Et la sœur a posé la question, est-ce que c'est convenable de travailler avec, c'est normal, de travailler avec le papier de quelqu'un d'autre. Et apparemment, c'est monnaie courante ici en France, en Europe. Et donc là, nous sommes dans la première partie, nous sommes dans les lits, les premiers versets comme ça. Je crois qu'il faut servir aussi les enfants, ça va, mon bébé? J'ai oublié la Bible. Ouais. Donnez-lui une Bible, alors, et puis vous donnez la mienne. Merci, bonjour. Voilà. Permettez-lui aussi des listes là. Voilà. Donc nous venons le voir. Ça va. Est-ce qu'elle pourra noter avec l'enfant? Alors, par cette parole du Seigneur Jésus-Christ, on voit effectivement que chacun doit être interpellé à répondre à la question, oui ou non, ce que tu fais, est-ce que c'est juste? Mais la question c'est, juste devant qui? Parce que vous allez poser cette question-là, quelqu'un va vous dire devant l'État, et même l'État est un voleur, il va te donner une panoplie de choses que l'État fait qui n'est pas normal. Mais il y a un seul justicier qui doit justifier tout le monde, c'est Dieu. La question c'est, est-ce que c'est juste comme acte? D'accord? On peut continuer, n'est-ce pas? Mais gardez le doigt dans ce livre de Matthieu, on va y revenir maintenant. Lisons le psaume 100. Non, prenons le psaume 15. Merci. noter le psaume, enfin, vous avez noté ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Psaume 15. Notez 1 Thessaloniciens aussi, merci Père. Merci Père. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Notez verset 3. 6 et 8. Est-ce que c'est normal de travailler avec le papier qui porte le nom d'une autre personne? Puis encore, il y a des gens qui fréquentent avec d'autres. Il y a des gens qui prennent les diplômes d'autres personnes pour aller composer, pour aller chercher du travail, et ainsi de suite. Alors, dans le psaume 10, qu'est-ce qu'il dit? Le psaume 15, c'est ça? Le psaume 15. Psaume 15, tu peux lire ma chère. Ô éternel, qui séjournera dans la tente? Permets que celle-ci puisse ouvrir. Psaume 15. Ô éternel, une question est posée et la question doit être répondue. Donc on pose la question, ceux qui vont séjourner, ceux qui vont habiter, souffler dans la maison du Seigneur. D'accord? Oui. Allons-y. Ô éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans les... Là maintenant c'est la réponse. Parce que la première partie c'est la question. Maintenant on a de répondre à la question. Donc, en fait il y a deux voies là-bas. Il y a une voix qui pose la question, c'est quelqu'un qui pose la question à Dieu et Dieu a donné la réponse. Donc voici la réponse de Dieu maintenant. Oui. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Stop. Qui... Non, courons pas. Qui pratique Dieu a donné d'énumérer les gens qui vont séjourner à celui. Il est celui qui marche dans l'intégrité. Notez le mot intégrité et vous allez travailler là-dessus. C'est quoi marcher dans l'intégrité? Dans le livre de Genèse, Dieu va dire à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est quoi l'intégrité? Dans le livre de Job, on voit effectivement comment Job était un homme intègre. Vous allez voir effectivement ce que Dieu appelle par être intègre. Maintenant, ici, il dit que, en répondant, il dit, c'est celui qui marche dans l'intégrité. Et quoi encore? Qui pratique la justice. Bon, maintenant, qui pratique la justice. Donc, ça veut dire que tu vis la justice. Merci, Père. Notez le Ésaïe chapitre 59, verset 10 à 17. Mais c'est terrible. Terrible. Alors, il dit celui qui pratique la justice. Posons-nous chaque fois la question. Et chaque fois que ces versets nous font revenir dans la question qui nous concerne, est-ce que la personne qui prend le papier, le document de quelqu'un pour travailler avec une autre personne, à la place d'une autre personne ou bien dans un autre emploi, est-ce que cette personne-ci est en train de pratiquer la justice? Sur le plan humain, sur le plan de votre justice ici, si on arrête cette personne-là, qui ne rend-il pas le problème? Et celui qui travaille, et celui qui travaille, dont on utilise le nom pour travailler, ils seront condamnés. Et donc, si la justice humaine donc peut condamner, ça veut dire que l'acte déjà n'est pas juste aux yeux des hommes. Si ce n'est pas juste aux yeux des hommes, à combien fois les hommes donc aux yeux de Dieu? Il faut que les chrétiens arrêtent donc de se fourvoyer. Il faut que ceux qui s'appellent chrétiens arrêtent donc de faire ces choses, c'est pas vrai? Je reconnais, et c'est là où on va sortir. Qu'est-ce qui peut amener les gens à faire ces choses en tant que chrétien? Il faut qu'on regarde la question et regarder les voies de sortie que Dieu pourvoit. D'accord? Il faut qu'on regarde dans la voie de sortie pour savoir comment faire donc pour ne pas faire ces choses. Parce qu'il y a la difficulté. Tout est vissé ici au point où si vous n'avez pas quelque chose de légal de travail, vous ne pouvez pas vous en sortir. Tout est vissé au point même où même les cœurs des gens sont vissés au point par rapport à l'amour. C'est grave seulement. Votre continent, c'est froid plus que la glace. On continue. Les réponses aux questions de Dieu. Et qui dit la vérité selon son cœur? Stoppons là-bas et prenons tous chaque fois cela dans la question qui nous est posée. Maintenant, je prends cette sœur-ci. Je suis gendarme. Elle veut passer quelque part. Je dis, comment vous appelez? Elle me donne son nom, par exemple, Marlise. Et dans son poche se trouve le papier de Marguerite. Elle va commencer au travail au nom de Marguerite. Au lieu de service, elle entre là-bas. On dit Marguerite, c'est elle qui va se présenter. Mais le flic lui pose la question, comment tu t'appelles? Elle dit, Marlise. Est-ce que c'est droit? Est-ce que quand elle dit au flic que je m'appelle Marlise, elle dit la vérité? Ou mieux encore, est-ce que quand elle dit au lieu de service là que je suis Marguerite, est-ce qu'elle dit la vérité? Trois choses sont dites. Un, l'intégrité manque à cette personne-ci, d'après ce qu'on a de voir. Deux, elle ne pratique pas la justice, ça manque à cette personne-ci. Trois, elle ne dit pas la vérité selon son cœur. Donc, les trois premières choses qui sont même les piliers même de la vie chrétienne lui manquent totalement. Donc, cette personne se trompe qu'elle est chrétienne. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est chaud, pas vrai? C'est chaud, oui. Continuons, finissons. Chaud bouillant. Chaud bouillant. Il ne calomnie point avec sa langue. N'en disons pas plus lorsque la personne va retirer son papier. C'est la calomnie qui va commencer. Continue. Il ne fait point de mal à son semblable. Oui. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Oui. Il regarde avec des dents. Avec des dents, ce qui est méprisable, oui. Regarde avec des dents celui qui est méprisable. Méprisable, oui. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Oui. Il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. À son préjudice. Et n'exige point d'intérêt de son argent. Vous voyez comment vous vivez sinon. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Oui. Celui qui se conduit ainsi, c'est Dieu qui signe comme ça, ne chancelle point. Oui. Jamais. Celui qui fait ainsi là, celui qui agit ainsi. Voilà donc les 15 choses que Dieu a énumérées là-bas que les gens doivent faire pour pouvoir se retrouver chez lui. On peut faire maintenant un paragraphe, puisque nous sommes dans le livre des Psaumes. Ouvrons le chapitre 119. Vous avez noté ça tout à l'heure, non? Psaume 119, rapidement, puis on va y revenir. Lisez le verset 4 seulement. Psaume 119, verset 4. Oui. Attends, les autres trouvent. Vous y êtes déjà? Oui. Allons-y. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Mais vous avez entendu, non? Les ordonnances de Dieu ont été prescrites pour qu'on les observe avec soin. On doit observer la parole de Dieu avec soin. Allons rapidement maintenant rentrer dans le livre de Matthieu. On y va. Matthieu. Commençons au chapitre 5. Je vous ai donné le chapitre 5, chapitre 3 aujourd'hui, chapitre 5, chapitre 7. Commençons au chapitre 5. Lisons les versets 1 et arrêtons au verset 16. Qui va lire alors? Ah, est-ce qu'elle va lire à haute voix? Jean chapitre 5. Matthieu. Ah, Matthieu chapitre 5. Ça c'est la fatigue là. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Oui. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains... Qui aussi... est ma soeur? Toi, tu es où là? Tu es trop forte. Tu es trop forte. Qui moi? Elle n'est pas sur le bon. Mais si. Tu lis quoi? Non, tu n'étais pas à la bonne page. Tu lis quoi, ma soeur? Tu as commencé la bonne, mais après tu es allé tout de suite. C'est pas la bonne page. Allons-y. Matthieu chapitre 5, lis à partir du verset 1. Allons-y. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Oui. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent. Continue la lecture. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Oui. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oui. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Stoppons là-bas. Si cette personne s'est persécutée, il va prier en disant qu'on est en train de persécuter à cause de la justice. Est-ce que cette personne, c'est qui travaille avec le faux papier? Est-ce que cette personne, si elle est persécutée, ou bien mise en prison, ou bien mise en examen, et qu'il y a des juges d'instruction qui s'insurgent contre sa façon d'agir, est-ce que cette personne est persécutée à cause de la justice ou bien à cause de l'injustice? De l'injustice. Au verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que cette personne a le cœur pur? Non. Donc, il ne verra pas ne devrait pas dire. Chaque fois quand vous lisez la Bible, essayez de voir le contraire de la de verset. On dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Dans le livre de Somme 15, nous avons lu tout à l'heure, la Bible, on a vu effectivement que cette personne qui travaille avec le papier d'autrui ne dit pas la vérité selon son cœur, dont son cœur est impur. Et par conséquent, elle ne verra pas Dieu. Donc, malheureux ceux qui n'ont pas le cœur pur, parce qu'ils ne verront pas Dieu. C'est le contraire du verset 8 du chapitre 5 de Matthieu. N'est-ce pas? Maintenant, sautons, allons au verset 13, 14, 15 et 16, rapidement. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Stoppons là-bas. Prenons cette personne-ci qui travaille avec le document d'une personne qui se trouve dans un lieu de service avec quelqu'un qui vit dans le péché ou dans un autre péché quelconque. Cette personne-ci qui travaille avec le péché, ma soeur bien bonne arrivée, nous sommes allés de travailler la question, elle a posé la question de savoir est-ce que c'est normal qu'une personne travaille avec le papier d'une autre personne, est-ce que c'est biblique? Donc, je profite pour répondre ça de façon générale, pas vrai? Elle aurait souhaité, comme on dit non, oui, et on quitte là-dessus. Mais il faut que le verset biblique puisse appuyer cela, d'accord? Alors, donc, dans cette somme que nous avons lue, on nous voit effectivement que cette personne-ci n'est pas pure. Et donc, ici, Dieu nous dit que vous êtes le sel de la terre. Si le sel pèse, ça va avec quoi le rendra-t-on? Maintenant, cette personne-ci travaille avec le papier de quelqu'un. Nous venons de voir que la personne 1 ne vit pas dans l'intégrité, ne pratique pas la justice et ment selon son cœur, pas vrai? Est-ce que cette personne est digne de prêcher à quelqu'un que Jésus-Christ aime? Non. Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Il n'est pas le seul de la terre, il a perdu sa saveur. Parce qu'en réalité, le chrétien doit prêcher par sa propre vie d'abord. C'est la vie chrétienne qui prêche. L'expression porter la Bible comme ça pour marcher avec, ça ne sert absolument à rien. Parce que dans la bibliothèque de Satan, ça se trouve. Tous les versets bibliques se trouvent là-bas. Ça ne fait pas que ce monde-là soit un monde saint. La sanctification doit commencer à l'intérieur de notre cœur. Et la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, il dit que conduisez-vous avec circoncision pendant le temps de votre pèlerinage. Soyez saints dans toute votre conduite. C'est pas ce qui est écrit. Alors, quelqu'un qui prend le papier pour vivre, le papier de quelqu'un d'autre pour vivre avec de cela, est-ce que cette personne-ci est sainte? C'est une conduite sainte, ça. Donc, tout tourne pour montrer que c'est le péché. Donc, quelqu'un qui travaille avec le papier d'une autre personne, c'est le péché, quel qu'en soit le cas. Quel qu'en soit ce que la personne peut justifier, c'est un péché. On avance. Oui. Oui. Vous êtes là. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Oui, effectivement, que là-bas, on ne peut pas dire de mal à cette personne, de cette personne, parce qu'en fait, ce n'est pas à cause de Jésus. Parce que Jésus, notre Seigneur, c'est la justice. Christ, notre Seigneur, est la justice. Et donc, il ne peut pas avoir l'injustice en lui, il ne peut pas avoir même une partie d'injustice. Donc, quelqu'un qui se représente de Jésus, c'est dire être issu de Jésus, c'est se doit de marcher dans la justice, dans la voie de la justice. Et par conséquent, donc, s'il porte cet attribut-là, Jésus-Christ doit faire tout et tout pour qu'on le châtie, pour qu'il ne prenne pas part au châtiment du monde. Continue, ma chère. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et le verset 15 dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà, maintenant Jésus dit à ces chrétiens, c'est qu'il a la lumière du monde. Voilà sa part de lumière qui monte. Il travaille avec le faux papier. Voilà sa part de lumière. Il montre que Jésus. C'est pour ça que la vie chrétienne telle que développée en Europe doit être repensée selon la Bible. La norme biblique a été fixée. Ça ne peut pas se conformer au monde. C'est le monde qui doit se conformer à cette Bible-ci. Quelqu'un pourra entendre comme ça et dire que non, tu ne sais pas quelles difficultés nous vivons ici. Il n'y a pas de siècle, il n'y a pas eu de difficultés. Et chaque siècle doit s'adapter et se réadapter au principe biblique. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a quitté la norme biblique. D'accord, ma chère? 1 Thessaloniciens maintenant. Alors, je vais citer ce qui est écrit dans le livre de Jean, Matthieu chapitre 7. Pourquoi on passe à d'autres questions si vous le voulez. Dans Matthieu chapitre 7, donc, le Seigneur Jésus-Christ va commencer chapitre 14 en disant que il va expliquer qu'il y a deux portes. La porte étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle et que peu de gens le trouvent. La porte grande, vaste, qui est avec des boulevards bien fleuris, qui mène à la perdition. Il dit beaucoup entre par là. Alors, chaque personne devrait, chaque fois, dans les actes que nous posons, poser la question si nous marchons dans la grande voie ou bien dans la petite voie. Et puis en bas, au verset 21 et 22 du chapitre 7, le Seigneur Jésus nous dit quelque chose de surprenant. Il dit que pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. Où est-ce là? Il dit, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La question, c'est quand quelqu'un travaille avec le papier d'une personne vivant dans la fraude ainsi, est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Mais pourtant, là, cette personne se dit Seigneur, Seigneur. Donc, si quelqu'un continue à dire Seigneur, Seigneur, tout en vivant dans ce style de vie-ci, ça montre clairement qu'il n'a pas connu le Seigneur. Puisque le jour, là, le Seigneur Jésus-Christ dira éloignez-vous de moi, vous qui commettez, dans la vie de pratique, vous qui commettez l'iniquité. 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, verset 3, il dit ce que Dieu veut, en exprimant sa volonté, comme vous venez de voir maintenant, ce que Dieu veut. Vous y êtes? Vous avez vu le verset 3, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut. Donc, c'est l'expression de sa volonté. Maintenant, lisez ce que Dieu veut en continuant maintenant au verset 6. Ce que Dieu veut. Verset 6 dit quoi? Verset 6 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est. C'est que personne n'use envers son père, envers son frère, des fraudes et des cupidités dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Maintenant, il dit ce que Dieu veut. C'est que quoi? C'est que personne n'use des fraudes et des cupidités dans des affaires. Voici une affaire maintenant de travail. Voici quelqu'un qui utilise des fraudes pour pouvoir utiliser. Parce que la cupidité, c'est, la, c'est cet amour de l'argent-là. Maintenant, nous voici maintenant. Et que le Nouveau Testament dit clairement que ce que Dieu veut, c'est que personne n'use des fraudes. Ces chrétiens ici qui allaient vivre avec le papier, ici, vivent dans la fraude, oui ou non? Est-ce qu'on doit faire comme ça? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils feront faire? La justice. Maintenant, que pour, normalement, pour être juste maintenant, il faut confesser cela devant les autorités. Ouais, là où le Satan a entraîné déjà à s'attacher. Normalement, pour être dans la norme, tu dois aller devant la justice te livrer. C'est la norme là-bas. Il faut aller devant la justice te livrer. Vous dites, allez dire que j'ai volé, que j'ai travaillé comme ça. Je dis oui. Pourquoi? On t'arrête, on te renvoie dans ton pays, tu confirmes que la fraude n'est pas bien. Vous savez, une année quand j'étais à l'université, il y avait un garçon qui avait pris la lumière quelque part. Il ne payait pas. Là-bas, dans la zone de l'université, il n'y a personne à le compter. Il a distribué la lumière au moins dans 15 maisons. Il devient comme un distributeur de lumière où il collectionne l'argent pour prendre. J'étais étonné. Il est venu me voir, il croit que je vais dire la Bible en tordant. Il dit, ça fait combien de temps que tu le fais? Il dit 10 ans. Et je dis que tu es un prisonnier ambulant. Je lui ai dit, tu sais, si tu crois en cette Bible-ci, ce que tu vas faire, c'est que tu vas non seulement aller à la société qui produit l'électricité, confesser que tu as volé la lumière, tu donnes le nombre d'années, les factures que tu donnes, le nombre de sommes là, tu prends là, et bien plus encore, tu peux avoir un cinquième pour la fraude que tu as faite. Il m'a guetté comme ça, dit vraiment ça, côté taille là. Mais c'était quand même la vérité. À cause de ça, il est parti. Il dit, il n'y a pas de problème, je t'ai dit la vérité. Maintenant, si 10 ans, s'il prenait 1 million de choses par mois, ça veut dire que là, il a 10 millions, enfin, de 12 millions fois 10 à payer, donc dans les 120 millions. Voilà la fraude. C'est le prix à payer pour la Bible. Il faut restituer. Il y a la restitution. Tu ne peux pas avoir une télévision, par exemple, chez toi que tu as volé. Tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis un voleur. Après, tu t'achètes sur cette télévision, tu viens de le voir. Le jour où on te pose la question de la télévision, si tu as pris ça, tu vas dire quoi? Tu vas dire que je l'ai prié ou bien je l'ai volé. Qu'est-ce que tu diras? Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, supposons que vous avez une paire de choses que vous avez volées. Parce qu'il y a des femmes qui volent. Elle va chez sa camarade comme ça, elle voit quelque chose, elle prend dans le sac. Vous savez qu'on appelle le sac quoi? Fou quoi? Fou tout. Donc, n'importe quoi que ça peut prendre, on met dedans. Elle voit quelque chose qui lui plaît. Si il demande ça à Chanceline, elle ne prend pas dedans. Un jour, tu vois ça. Mais c'est pas mon truc que j'ai cherché ici, Chanceline. Elle était sur le face qu'elle a acheté ça là-bas à Carrefour. Colle pas au Carrefour qui est là-bas. Alors que c'est dans ces choses. Mais pourtant, après, elle va faire que Seigneur, le soir là, Seigneur, tu sais que c'est le mensonge qui est dit à Chanceline. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Il te pardonne. Demain, Chanceline dit, tu es sûr que c'est pas mon truc? Il dit, non, c'est pas ta part. Vous voyez le mensonge, pas vrai? Donc, c'est pour ça qu'après la confession, il faut le dédommagement, c'est-à-dire la restitution. Donc, ça veut dire que cette personne se doit non seulement restituer le papier, mais confesser cela pour être en règle. Non seulement confesser, restituer l'argent qu'elle a gagné de ce tournant tout ce temps-là. Voilà la norme, c'est la norme biblique. Restituer l'argent là. C'est-à-dire, en clair, c'est à qui des droits? C'est-à-dire qu'à l'État, tu vas vers l'État, tu confesses en disant que j'ai travaillé pendant 5 ans avec le papier de X. Voici l'argent qui est perçu, je dois donner. Non seulement tu donnes ça, si c'est 10 000 euros, tu finis de donner 10 000 euros, tu donnes le 1 cinquième de 10 000 euros encore. Et la personne qui a donné le papier. Même la personne est dans la fraude. Là, c'est pas normal qu'il fasse comme ça, pas vrai? Si on suit la Bible, c'est comme ça. Mais si vous voulez sur la Bible jusqu'à un certain niveau, vous dites seulement que mon ami, prends ton papier. Seigneur, il te demande pardon et tu arrêtes. Là, c'est jusqu'à un niveau. Mais si tu vas aller au niveau où tu veux qu'on fasse tout ce qui est juste, c'est comme ça que ça doit être. Imaginez combien les chrétiens sont coupables. pas vrai. N'en parlons pas des pasteurs qui vivent comme ça là, ici. C'est très grave. Eh mes soeurs, notre question ce n'est pas bon ou c'est quoi? Non, non, c'est... Voilà, on peut continuer. Maintenant, regardez. Il dit, c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans des affaires parce que le Seigneur t'y vengeance et toutes ces choses comme nous avons dit. Maintenant, ici, nous voyons que quelque chose ne va pas. Pourquoi l'homme veut travailler avec le papier de quelqu'un? Parce qu'il n'a pas son propre papier. Ok. Il est chrétien. Pourquoi donc il n'a pas de papier? Pourquoi le Dieu qui te souhaite, et peut-être il perd dans le culte, on dit que non, ton Dieu est grand, ton Dieu est ici, c'est pas vrai? Est-ce que Dieu est tellement Dieu au point où il ne peut pas donner le papier à quelqu'un? Donc je vous pose la question, donc, vous pensez quel est le problème? Ouvrons le Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 16. Ouvrons. Proverbe. Vous étiez dans les psaumes tout à l'heure là. Vous étiez dans Proverbe. Ça va? Normalement, c'est le verset 7 qui nous intéresse. C'est le verset 7 qui nous intéresse du Proverbe chapitre 16. Mais lisons les versets 1 jusqu'au verset 7. La sœur Kelly de France. La France de la sainteté, bonsoir. Sœur Kelly. Ça va? Je vous connais. Alors, vous ne connaissez pas? Non, levez-vous, vous saluez d'abord. Comment vous ne connaissez pas? C'est la sœur Natoucha. Sœur Kelly, on a parlé. Je ne l'ai jamais vue. C'est elle, voilà. Tu mets rarement la vidéo. Voilà. Elle n'aime pas la vidéo. Il faut mettre la vidéo. Hein. Mmh, mettre la vidéo. Hein. Partagez les chips aux enfants. Junior a dit. Il faut mettre la vidéo. Shalom, ma soeur. Mmh. Maintenant, tu dis Shalom, ma soeur, tu passes, tu la connais aussi. Non. Pose-lui la question. Ma soeur noble. Ah, Shalom, non, tu la connais, tu la connais pas. Ça va? Bien, ma soeur. Tu ne la connais pas, d'accord? Tu connais celle-ci aussi? Oui. Au moins, elle met la vidéo, pas ah vrai? Ah bah oui. Mmh. Et on s'est déjà vu quand même. Ben voilà. On peut y aller. Et tu connais celle-là qui passe là derrière? Oui. La sœur Grâce. Ok. Ici, dans le livre des Proverbes, chapitre 16, le verset 1 à 7. C'est le verset 7 qui nous intéresse. Mais avant cela, passons par quelques passages. Allons-y. Qui va lire alors? Verset combien? Verset 1 à 7. Allons-y, ma chère Chatou. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Oui. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Arrêtons là-bas. Quand vous lisez ces versets, vous comprenez ce que la Bible dit. Vous voyez ce qui est écrit là. Il y a des fois où vous lisez la Bible, vous allez dire soit la Bible est fausse, ou bien c'est Dieu qui blague avec nous. Voilà, mais pourtant c'est vrai. Les projets que forme quoi? Le cœur. Vient de l'homme. Mais la réponse qui donne la bouche. Donc ça veut dire que Dieu contrôle même ta bouche pour dire c'est le choix que tu dois faire. Alors est-ce que donc nous pouvons comprendre que Dieu a intérêt, nous on a intérêt à garder notre cœur bien pur pour que Dieu puisse s'exprimer au travers de nous pour faire de bons choix? Là est la question. Quand on a derrière le cœur impur, Jésus, notre Seigneur, dit dans Matthieu chapitre 15 que c'est de l'intérieur qui vient des mauvais désirs, les fraudes, les cupidités, toutes ces choses-là, ça vient de l'intérieur et c'est ça qui souille l'homme. Donc, si quelqu'un a un cœur comme ça, ce qui sortira sera contrôlé par Lucifer. Par conséquent, des gens ont leur destinée contrôlée par Satan sans qu'ils se rendent compte. Ils prennent donc quoi? Les mauvaises décisions. Continuons la lecture. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. N'est-ce pas que celui qui a le papier pense que c'est normal? Non, non, Dieu va comprendre, pas vrai? Tu vas comprendre que tu es dans les difficultés. Il ne sait plus à ses yeux. Bon, pour lui, à son niveau standard, il croit qu'il n'y a pas de problème. Continuons. Mais celui qui pèse les cœurs, pèse les esprits. Oui, les esprits, oui. C'est l'Éternel. Oui. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Oui. Et tes projets réussiront. Alors, souligner ça, voilà donc le point de sortie. À ce passage-ci, vous allez associer le Proverbe chapitre 8. Verset 30 jusqu'au dernier. D'accord? Écrivez tout simplement à côté la Proverbe 8, verset 30, à côté de ce proverbe-là également. Donc, ou bien vous, si vous en notez sur une feuille, vous notez ça. Proverbe 8, verset 30 jusqu'au dernier. Maintenant, quelqu'un a un projet. Peut-être il va acheter une maison de 180 000 euros. Ou bien il n'y travaille pas. Cette personne ne travaille même pas encore. mais il souhaiterait réaliser beaucoup de choses sur son cœur. Quelle est la solution biblique? D'après ce que nous venons de lire, la solution biblique, c'est quoi, ma soeur? Recommander à l'Éternel. Je pose la question. Comment est-ce qu'on recommande ses œuvres à l'Éternel? Par la prière. Proverbe, par Philippiens chapitre 4, verset 7 nous dit que ne vous souciez pas du lendemain, qu'on ne se soucie pas de quoi que ce soit, mais en tout cas, faites connaître vos besoins. Quel est le besoin? Donc, le problème maintenant, c'est que quand l'homme fait connaître le besoin, mais comme Dieu lui répond très rarement là, mais Dieu trop pour exaucer aux prières, ou bien on n'est pas exercé à la donner et au recevoir que fait Dieu avec notre esprit. Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle, Seigneur, donne-moi un mari. Nous sommes en 2018. Ça fait 2011, 2012, 2013. Entre-temps, il y a le froid en Europe. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Après, tu entends Frère Junior, je vis avec un homme là. On est en train de voir pour si on va se marier. Est-ce que c'est un péché? Oui, effectivement, qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? Pourtant, en 2011, on a soumis à Dieu que Seigneur, je fais un mari, envoie-moi un mari. Où est-ce que là on se retrouve, n'est-ce pas? L'impatience. Donc, lorsqu'on a soumis les questionnements ou bien les requêtes au Seigneur, il y a le temps d'attendre. On doit attendre jusqu'à manifestation. Voici par exemple, les gens sont en effet des moteurs là-bas. Peut-être ils font leur sion pour mettre des semences là-dedans. S'ils mettent la semence, le reste c'est entre eux, entre la semence et Dieu maintenant, pas vrai? Est-ce qu'il court le matin pour arriver la semence? Tu n'as pas encore produit, même si tu as tu tête, ça ne produira pas. Ce temps de patience que font les gens qui sèment les semences dans les champs là-bas devrait nous enseigner à comprendre que lorsque nous avons saisi Dieu en soumettant notre requête, nous devons patienter. Lorsque nous faisons de l'interférence avec nos affaires, nos façons de faire, nous allons mixer. Et Dieu, lui, c'était pour que les choses arrivent en son temps. Vous souvenez du cantique en son temps, n'est-ce pas? Donc, c'est pas fini, ma soeur, ne ferme pas. Ça va? Tu veux faire comment? Je vous laisse servir les choses. Non, laisse, quelqu'un d'autre peut servir. Reste là dans ce verset. Il dit donc, recommande tes œuvres, tes projets, ou mieux, n'importe quoi que tu as à l'Éternel. Et quoi? Et qu'est-ce qui va réussir? Tes œuvres. Oui. Des projets. Donc, quand tu as un projet, il faut soumettre cela au Seigneur. La Bible vous dit comment soumettre au Seigneur. La Bible répond dans Philippiens 4, verset 6 et 7. Ne vous inquiétez pas de les inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Puis on dit par des prières et des supplications. Puis on conclut là-bas dans ces phrases-là. Veillez-y. Donc, ça veut dire que chaque jour, tant que ce n'est pas encore manifesté, mais je crois que nous avons vu sur Bamba et Bala, la prière fait vendre du juste. Mais si la prière, chaque fois tu pries, même si les gens se moquent de toi, ne t'inquiète pas. La Bible déclare que ceux qui s'aiment avec l'âme vont revenir avec action de grâce, avec la joie. Continuons la lecture, ma chère. L'Éternel a tout fait pour un but. Oui. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc, même les méchants sont programmés par Dieu. Même les méchants sont programmés par Dieu. À combien faut raison celui qui le craint. Puis, tout cœur hautain. Est en abomination à l'Éternel. Oui. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Mmh. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Si je crains Dieu, je ne prends pas le papier de quelqu'un pour travailler avec. Parce que je crains Dieu, on se détourne du mal. Continuons. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, oui, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est bon. Donc, le but maintenant, c'est d'être sous la grâce de Dieu. Le but maintenant, c'est d'être que la miséricorde, la faveur de Dieu soit sur toi. Quand c'est sur toi, les choses commencent à fonctionner. Dieu rassure ici que même les ennemis commencent à travailler pour toi. Et donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde ce qu'il en est. Plus haut, il dit, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Et si on se détourne du mal, la Bible déclare, dans le livre des 2 Chroniques au chapitre 16, verset 10, verset 9, que les regards de Dieu, les yeux de Dieu parcourent la terre pour regarder ceux dont le cœur est tout entier à lui. Quand le cœur est tout entier à lui, la Bible déclare que lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut se détourner de mal. C'est-à-dire quoi? En clair, en langage simple, il faut vivre dans la sanctification. La sanctification attire la présence de Dieu et manifeste sa gloire dans la vie. La sanctification. Parce que plus on est sanctifié, ça veut dire qu'on quitte le mal pour se rapprocher de la lumière. Et quand on est rapproché de la lumière, au fur et à mesure, la lumière de Dieu transcende dans notre vie pour déployer et chasser nos ténèbres. C'est ce qu'il en est. Donc en réalité, il faut que tout mal quitte nos vies. D'accord, ma soeur. Si tout mal qui nous vit, on commence à comprendre effectivement que Dieu nous a appelés pas pour la richesse. On comprendra les versets tels que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme. Ok, maintenant tu as un travail, un salaire de 5000 euros par mois. Maintenant tu es même en règle. Tu ne déranges pas. Mais si ton âme n'est pas en règle avec Dieu, ça ne sert absolument à rien. N'en parlons pas si tu travailles dans la fraude. Fermons la Bible. Que Dieu bénisse. Donc en conclusion, doit-on travailler avec les papiers de quelqu'un d'autre? Non. Si on travaille comme ça, on finit où? Des questions. C'est un peu de questions, donc on boit des. On se réjouit, non, à ce qu'elle est. Oui. Donc on arrête tout, non?